Jamais, jamais, jamais, jamais. Non. Yeah. Je sais qu'on se prend la tête, t'as du caractère, on est deux. On attendra demain, pas de séparation, on parle, c'est mieux. Une discussion, puis quelques bisous dans un lit, et c'est fini. C'est comme ça qu'on se fait la guerre, c'est comme ça qu'on fait la paix. Ensemble depuis des années, laisse pas la fierté tout gâcher. Avec moi, fais pas la rebelle. Arrête ça, toi et moi, on se connaît. Je suis dans la ville et tu m'appelles. Au son ta voix, je sais que tu t'inquiètes. J'ai du business, là, je te rappelle. Tiens ma carte et fais-toi belle. Pourquoi tu veux perdre ton temps à parler devant eux? Ma chérie, on a des comptes à rendre à personne à part à Dieu. Et je crois que c'est l'heure de faire nos valises et partir d'ici. J'ai fait assez de bénéfices pour qu'on puisse en aller tous les deux. Bébé, elle m'appelle, allô, veux savoir si je rentre bientôt. Je te ramène des cadeaux, avec toi je me sens trop beau. Loin de toi, non, non, avec toi je me sens trop beau. Loin de toi, non, non, yeah. Bébé, elle m'appelle, allô, veux savoir si je rentre bientôt. Je te ramène des cadeaux, avec toi je me sens trop beau. Loin de toi, non, non, avec toi je me sens trop beau. Loin de toi, non, non, tu sais que j'ai tout fait, oui, tout pour que tu sois mienne. On dit que c'est Dieu qui donne, ok, mais ça tombe pas du ciel. Regardez nos envies, on est charismatique, c'est easy. Cette histoire c'est la nôtre et nos secrets sont confidentiels. Aujourd'hui on va se fâcher, et demain on va s'attacher. Y'a tellement de moments partagés, toi et moi on va pas s'acheter. Ton cœur et le mien sont menottés, sur ton corps mes mains se baladaient. Ta confiance je l'ai méritée, le style chez nous je crois que c'est inné. Baby je suis ton étoile quand tu me vois, fais un peu. J'ai fait assez cette année pour que tu prennes tout ce que tu veux. Te faire plaisir c'est mon plaisir, t'inquiète pas pour moi c'est easy. On parlera de nos voyages, nos souvenirs quand on sera vieux. Bébé, elle m'appelle, allô, veux savoir si je rentre bientôt. Je te ramène des cadeaux, avec toi je me sens trop beau. Loin de toi, non, non, avec toi je me sens trop beau. Loin de toi, non, non, yeah. Bébé, elle m'appelle, allô, veux savoir si je rentre bientôt. Je te ramène des cadeaux, avec toi je me sens trop beau. Loin de toi, non, non, avec toi je me sens trop beau.